Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 44. Des préceptes de la charité. Nécessité de deux préceptes touchant la charité. Examen du précepte d'aimer Dieu. Examen du précepte d'aimer le prochain. L'ordre de la charité tombe-t-il sous le précepte? 1. Fallait-il quelques préceptes touchant la charité? La fin de la vie spirituelle n'est autre que d'unir l'homme à Dieu par la charité. De là vient que l'apôtre écrivait, la fin des commandements, c'est la charité qui naît d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. 1 Timothée 1, 5. Le plus grand précepte, en conséquence, et celui qui prescrit la charité. Note. Tous les préceptes du Décalogue ont pour fin l'amour de Dieu et du prochain, c'est pour cela même que ceux de la charité n'y figurent pas, ils sont renfermés dans chacun d'eux. Fin de la note. 2. Fallait-il deux préceptes sur la charité? Dans la pratique de la vie, où les préceptes divins doivent nous diriger, la fin nous sert de principe. Cette fin, c'est l'amour de Dieu, auquel se rapporte l'amour du prochain. Quoique ces deux amours soient renfermés l'un dans l'autre, il n'a pas suffi d'établir le premier, il a fallu poser celui de l'amour du prochain, dans l'intérêt des hommes moins intelligents qui n'auraient pas facilement vu que ce précepte est supposé dans l'autre. De là ce que nous lisons dans saint Jean, nous avons reçu de Dieu ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son prochain. 1 Jean 4, 21. Note. Quoique la charité soit une vertu, elle se traduit par deux actes, dont l'un se rapporte à l'autre. On aime Dieu dans le prochain, comme la fin dans le moyen qui conduit à la fin. Réciproquement, le moyen tire de sa liaison avec la fin son caractère de bonté. Fin de la note. 3. Suffit-il de ces deux préceptes touchant la charité? Oui, car ces deux préceptes, le Sauveur l'a déclaré, renferment toute la loi et les prophètes. Matthieu 22, 40. L'un nous porte à aimer Dieu comme notre fin dernière. L'autre, le prochain pour Dieu, c'est-à-dire à cause de notre fin. Note. Il n'est pas un acte de charité qui ne découle de l'un de ces deux amours, mais, pour stimuler les âmes paresseuses, des préceptes explicites sur la joie, la paix, la bienfaisance, et contre les vices opposés à la charité, sont néanmoins consignés dans l'Écriture. Nous y lisons, sur la joie, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, Philippiens 4, 4, sur la paix, gardez la paix avec tout le monde, Hébreux 12, 14, sur la bienfaisance, pendant que nous avons le temps, faisons du bien à tous nos semblables, Galates 6, 10, contre les vices opposés à la charité, ne haïssez pas votre frère dans votre cœur. Lévitique 19, 17. Ne vous dégoûtez point des liens de la sagesse. Ecclésiastique 6, 26. Ne soyons pas désireux de la vaine gloire, et ne nous livrons pas à de mutuelles jalousies. Galates 5, 26. Ayez tous le même langage, et qu'il n'y ait point de schisme parmi vous. 1 Corinthiens 1, 10. Ne mettez point d'obstacle devant votre frère. Romains 14, 13. Fin de la note. 4. Le précepte d'aimer Dieu de tout notre cœur est-il convenable? Dieu doit être aimé comme la fin dernière, à laquelle il faut tout rapporter. Pour cette raison, le précepte de l'amour de Dieu a dû désigner une totalité quelconque. De là ces paroles, vous aimerez Dieu de tout votre cœur. Note. On aime Dieu de tout son cœur de deux manières. Premièrement, d'un amour actuel, de telle sorte que le cœur soit toujours présentement et tout entier porté vers Dieu. Cet amour est la perfection du ciel. En second lieu, d'un amour habituel, de façon que le cœur tout entier, se portant habituellement vers Dieu, n'accepte rien de contraire à l'amour divin. Cet amour est la perfection de la terre, à laquelle le péché véniel n'est pas contraire. Quant à la perfection que les conseils ont pour but, elle tient le milieu entre ces deux perfections, elle consiste à se détacher, autant que possible, des choses temporelles, même permises, qui, préoccupant l'esprit, l'empêche de s'élever actuellement vers Dieu. Fin de la note. 5. Était-il convenable d'ajouter, de toute votre âme et de toute votre force? Observons d'abord que le précepte qui nous occupe est exprimé diversement en divers endroits de l'Écriture. Le Deutéronome 6, 5 porte, de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre force, Saint Matthieu, de tout votre cœur et de tout votre esprit, Matthieu 22, 37, Saint Marc, de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit et de toute votre vertu, Marc 12, 30, Saint Luc, de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit et de toutes vos forces. Il faut expliquer le sens de ces quatre dernières locutions, car, s'il y en a quelques-unes omises dans l'un de ces textes, c'est qu'elles y sont supposées par celles qui s'y trouvent. L'amour est l'acte de la volonté désigné par le cœur. Or la volonté est le principe de tous nos actes spirituels, en tant qu'elle se propose la fin dernière, qui est l'objet de la charité. De plus, trois principes d'action sont mis en exercice par la charité, l'intelligence ou l'esprit, la puissance appétitive intérieure exprimée par l'âme, et la puissance exécutive extérieure désignée par la force, par la vertu, et par les forces. En conséquence, il nous est ordonné de diriger vers Dieu toutes nos intentions, ce qui est l'aimer de tout notre cœur, de lui soumettre toute notre intelligence, ce qui est l'aimer de tout notre esprit, de régler selon ses vues, tous nos appétits, ce qui est l'aimer de toute notre âme, et de faire toutes nos actions extérieures selon sa volonté, ce qui est l'aimer de toute notre force, de toute notre vertu et de toutes nos forces. 6. Le précepte de l'amour de Dieu peut-il être accompli en cette vie? Il y a deux manières d'accomplir un précepte. Si un général ordonne à son armée de combattre, les soldats qui triomphent de l'ennemi, selon le désir de leur chef, accomplissent parfaitement son précepte. Tandis que ceux qui ne voient point la victoire couronner leurs efforts et qui n'omettent rien de la discipline militaire, l'accomplissent encore, mais imparfaitement. Semblablement, Dieu se propose, dans le précepte de la charité, de s'unir entièrement l'homme, mais ce précepte ne sera parfaitement accompli que dans le ciel, où, selon l'expression de l'apôtre, Dieu sera tout en tous. 1 Corinthiens 15, 28. Il est accompli sur la terre, mais d'une manière imparfaite, quoique les uns le remplissent d'une manière plus parfaite que les autres, en s'approchant davantage de la perfection céleste. Note. Nous sommes dans le cas du soldat qui combat légitimement sans remporter la victoire. Est-il coupable? Non. Mérite-t-il une punition? Non. Une récompense, au contraire, lui est due. Pourquoi, demande saint Augustin, ne ferait-on pas à l'homme un précepte de cette perfection, à laquelle cependant personne ne parvient en ce monde. Est-ce que l'on court dans le droit chemin, si l'on ignore le terme de sa course, et comment le connaître, si aucun précepte ne le faisait voir ? Fin de la note. 7. Le précepte de l'amour du prochain est-il convenable ? Ce précepte, ainsi conçu, « Vous aimerez le prochain comme vous-même » est convenable, en ce qu'il montre tout à la fois le motif et la règle de l'amour. Il en montre le motif dans le mot « prochain », car le vrai motif que nous avons d'aimer les autres d'un amour de charité, c'est qu'ils sont nos proches sous le double rapport de l'image naturelle de Dieu et de leur vocation à la gloire éternelle. Il en montre la règle dans cette parole, « comme vous-même », qui signifie que l'on doit aimer le prochain, non autant que soi, mais d'un amour semblable à celui que l'on doit avoir pour soi, c'est-à-dire d'un amour saint, juste et vrai, saint, car on doit s'aimer soi-même à cause de Dieu, juste, parce qu'en condescendant au désir du prochain on veut le bien, vrai. Puisque nous devons aimer le prochain pour lui-même et non pas pour nous. 8. L'ordre de la charité tombe-t-il sous le précepte ? Le mode spécial qui rentre dans l'essence même d'un acte vertueux tombe sous le précepte qui ordonne cet acte. Or l'ordre de la charité appartient à l'essence même de cette vertu, car il dérive, par proportion, de l'objet même de l'amour. Il s'ensuit qu'il tombe sous le précepte. Voir question 25, 12, et question 26, 1 et 2. Note. L'ordre des quatre choses que nous devons aimer par la charité est exprimé dans l'Écriture sainte. Le précepte d'aimer Dieu de tout notre cœur nous fait comprendre que nous devons aimer Dieu par-dessus tout. Celui qui nous ordonne d'aimer notre prochain comme nous-mêmes marque bien que l'amour de soi a la priorité sur l'amour du prochain. De même aussi, quand saint Jean nous dit « Nous devons donner notre vie pour nos frères » 1 Jean 3:16, on conçoit aisément que nous devons aimer notre prochain plus que notre propre corps. Lorsque saint Paul ajoute « Faisons du bien principalement aux serviteurs de la foi, Galates 6, 10, et que nous l'entendons blâmer celui qui n'a pas soin des siens et surtout de ceux qui composent sa maison. 1 Timothée 5, 8, il est clair que nous devons aimer davantage ceux qui sont meilleurs et ceux qui nous sont plus proches. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.